Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 11 février 2017. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Les parents d'élèves et les partis de l'opposition à Rumonge dénoncent la politisation des écoles dont les élèves ont été obligés de participer à une manifestation organisée ce samedi dans tout le pays. Le gouvernement du Burundi veut marquer de sa désapprobation des allégations des experts de l'ONU, faisant état de répression croissante des ONG et des défenseurs des droits humains au Burundi. À Bujumbura, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que le gouvernement n'entend pas collaborer avec ces experts. Et le Rassemblement national pour le changement RANAC en sigle s'est doté ce samedi de nouveaux organes dirigeants à l'issue de son premier congrès ordinaire. Aloïse Barichako en a été élu président. Et 12 pêcheurs sont dans la main de la police en commune Guitéragny depuis ce vendredi. Ils ont été appréhendés dans le lac Guérou en train d'utiliser un matériel interdit à la pêche. À la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Merci d'être avec nous. Bienvenue à ce journal. Mise en onde par Albert Douayou. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Le gouvernement du Burundi s'insurge contre un récent rapport des experts de l'ONU faisant état de répression croissante des ONG et des défenseurs des droits humains au Burundi. Dans une manifestation organisée ce samedi à Bujumbura comme à l'intérieur du pays, le porte-parole et assistant du ministre de l'Intérieur a déclaré que ces allégations sont mensongères. Naïra Jaterance a ajouté que le gouvernement n'entend pas collaborer avec ces experts même s'il le réclame. Dans un communiqué publié en début de cette semaine, ces experts condamnaient la récente interdiction et la suspension provisoire d'un certain nombre d'organisations de la société civile et mettaient en garde contre les faits restrictifs et stigmatisants de la législation récente sur les ONG. Suivez Terence Naïra Aja, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur et assistant du ministre. Le gouvernement burundais rejette en bloc les accusations du rapport élaboré par les experts de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, sorti lundi le 6 février 2017. Le gouvernement burundais et tous les Burundais, nous rejetons tous ces mensonges et calomnies. Deuxièmement, le gouvernement burundais conteste cette commission des experts nommée par le chargé des droits de l'homme au sein de l'ONU, qui sont en train de tromper le gouvernement burundais. Soi-disant qu'ils peuvent collaborer pour venir enquêter, alors qu'ils ont déjà établi un rapport plein de mensonges et que le but de cette commission est juste de confirmer ce rapport. Alors, nous le contestons catégoriquement. Nous l'avons déjà fait, nous tous, les Burundais, dans toutes les communes du pays. C'était le 26 octobre 2016. Le gouvernement burundais s'engage une fois de plus à assurer la paix et la sécurité de tous les citoyens, y compris les étrangers, sur tout le territoire national et demande à ce que toutes les mesures contraignantes, injustes à l'endroit du Burundi soient abolies. Que ceux qui ont pris ces mesures, à savoir l'Union européenne et d'autres, changent de position pour que nous puissions nous mettre ensemble pour s'entendre comment mener de bonnes relations. D'ailleurs, le dialogue vaut mieux que la force. Et à Rumonge, certains parents d'élèves et certains politiciens de l'opposition dénoncent la politisation des écoles de Rumonge. Et c'est après que les élèves de toutes les écoles de la ville de Rumonge, à partir de la 5e année fondamentale, eurent reçu l'ordre de participer à une marche-manifestation ce samedi contre les rapports onusiens sur la violation des droits de l'homme au Burundi. Reportage signé Jean-Pierre Misako. C'est dans cette marche manifestation dans laquelle les élèves de la ville de Rumonge à partir de la 5e année fondamentale devraient participer ce samedi sans uniforme. Selon Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, le principal objectif était de dénoncer ce que le gouvernement burundais qualifie de faux rapport sur la violation des droits de l'homme au Burundi que l'ONU ne cesse de sortir. Certains parmi les parents d'élèves interrogés disent que c'est une façon de distinguer distraire leurs enfants, dont la principale mission est d'étudier pour préparer leur avenir. Même son de cloche chez certains politiciens de l'opposition à Rumonge qui parlent d'une violation délibérée de la loi mettant à l'abri de toute activité politique les écoles pendant que les élèves sont à l'école. Interrogé à propos alors qu'il terminait l'appel de présence à l'Ekofo Ngayamba où la marche a pris fin, Nathan Munezero, directeur d'internat au lycée Rumonge, a déclaré qu'il ne s'agissait pas là d'une activité politique, mais qu'il était question de répondre à l'appel du gouvernement burundais comme tout citoyen burundais. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et le Rassemblement national pour le changement RANAC en sigle s'est doté ce samedi de nouveaux organes dirigeants à l'issue de son premier congrès ordinaire. Barichako Aloïse en a été élu président. Il nous dit qu'il s'agit d'une fusion d'autres partis politiques qui en forment désormais un. Suivez-le au téléphone avec Placide Niyomwongere. Au niveau de la direction du parti RANAC, je serai avec mon vice-président qui est l'ancien ministre Antoine Boutoy. Il était président du parti ANAD. Et il y a le secrétaire général, l'ambassadeur Isaïe Simbare, qui a été chef du protocole du président Domitien Ndayizeye. Et il y a aussi une femme, Joseline Murekatete, qui va être le secrétaire général adjoint. Donc, nous serons une équipe dirigeante de 4 personnes. Vous parliez du parti RANAC alors que nous savons que dès sa naissance, c'était une coalition. Qu'est-ce qui a changé pour parler de parti au lieu de coalition? La coalition, c'est un rassemblement momentané des partis politiques pendant la période électorale. Comme la loi prévoit aussi la fusion, nous avons marché dans cette optique. Nous avons signé une convention de fusion que nous avons travaillé. Le ministre de l'Intérieur qui en a pris acte, nos anciens partis n'existent plus. Maintenant, nous avons un nouveau parti, Rassemblement national pour le changement, RANAC. Alors, quels sont ces partis qui se sont mis ensemble pour former un seul parti, RANAC? Il y a le PASD qui était lui-même résultat d'une fusion du parti PPDRR, Abassa et Pakoma. Il y a le parti ANAD et il y a aussi une équipe de bon politique qui s'était baptisé Coura de l'Unification du Parti Savonien Front Debout. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous l'avais dit, 12 pêcheurs ont été arrêtés sur le lac Luero du côté de la commune Guiterani ce vendredi. Les organisations de pêche à Guiterani demandent des sanctions contre ces personnes arrêtées avec des objets interdits tels les moustiquaires. Dieudonné Zeyman. Trois grands filets, environ 1000 moustiquaires, objets interdits dans la pêche, ont été saisis sur le lac Guéru. Ouassa Sadi, qui représente les organisations de pêcheurs en commune Guiterani, affirme que l'essentiel de ces objets ont été repérés du côté de la commune Boussoni, province Kirundo. Ces jours-ci, les pêcheurs de Guiterani accusent ces deux Boussoni de dépasser les limites et infiltrer les eaux du lac Guéru, où la pêche est encore rentable du côté de Guiterani, car on a protégé le lac contre les objets interdits, détruisant les petits poissons. Situation vers ces côtés communes Boussoni, d'après les pêcheurs de Guiterani. Vendredi, 12 pêcheurs originaires de la province Kirundo ont été arrêtés sur le lac Guéru du côté de Guiterani et restent détenus au chef-lieu de la commune Guiterani. Celestin Dikoumana, chef de zone et massacre sur le littoral du lac en commune Guiterani, reconnaît que ses administrés s'insurgent contre les mauvaises pratiques des pêcheurs de Boussoni. Question à suivre de près en collaboration avec les administratifs de Boussoni, d'après son chef de zone. Vous saurez que les responsables des pêcheurs à Guiterani révèle recevoir parfois des messages d'intimidation de la part des organisations de cette pêche illicite depuis qu'ils ont détruit plus de 1000 moustiquaires il y a des mois. Je donne Nzeimana, Mouninga pour la radio Isanganiro. Et 24 personnes ont été emportées par des accidents de roulage en province Bubanza l'année passée et 95 dossiers sont pendants devant le tribunal de grande instance de Bubanza. Et cela a été dit par le commissaire provincial de la police ce vendredi lors des cérémonies d'échange de vœux entre policiers œuvrant dans cette province de Bubanza dont nous appelons notre correspondante Space Caritas Cavagnana. Dans son discours lors de ces cérémonies d'échange du nouvel an, le commissaire provincial de la police dans cette province de Bubanza a indiqué que 24 personnes sont mortes l'année passée suite aux accidents de roulage et 95 dossiers liés à ces accidents ont été fixés au tribunal de grande instance de Bubanza. Au PC1, Daniel Emmanuel Nizigimana a lancé un appel aux policiers d'être vigilants et attentifs sur les axes routiers afin d'éviter de tels accidents qui ne cessent d'emporter des vies humaines. Il a dressé un bilan plus ou moins positif sur la lutte contre les boissons prohibées, même s'il y aurait encore des cas isolés, comme il l'a précisé. Les policiers doivent également lutter et éviter la corruption, renforcer les comités mixtes de sécurité, surtout sur les collines où ils ne sont pas du tout fonctionnels, selon le commissaire provincial. De son côté, le délégué du commissaire régional de la police a indiqué qu'il faut bien vérifier si les policiers n'ont pas de responsabilité dans ces accidents en empochant des sous et en laissant tomber des infractions qu'il fallait plutôt sanctionner. Le gouverneur Tarcisse Niyongabo a ajouté que les accidents sont quelquefois causés par l'état vétuste des véhicules qui passent pourtant devant les barrières policières, les chauffeurs qui prennent un verre de trop et roulent en excès de vitesse, ou les chauffeurs qui s'improvisent au volant sans formation et sans expérience. Et pour terminer, les lauréats des centres d'enseignement des métiers de Ruyigui ne vivent pas de la pratique professionnelle, faute de compétences nécessaires et de matériel de départ. Certains parmi ces lauréats demandent aux institutions étatiques et aux ONG qui appuient dans ce domaine de les aider à faire un stage d'immersion professionnelle. Jean-Claude Chimirimana. Une faible compétence et le manque de capitaux de départ sont les obstacles majeurs à l'insertion socio-professionnelle des lauréats de centres d'enseignement des métiers se trouvant dans les différentes communes de la province de Ruyigui. Barakan Fitiye, Améry et Hakizimana Djervé, lauréats de ces centres d'enseignement des métiers qui donnent ces informations, expliquent que certains formateurs se réservent lors des apprentissages, ce qui fait que les modules de formation soient achevés sans que les apprenants n'aient acquis la compétence évolue par les potentiels demandeurs de services. En outre, ils indiquent que certains ont cherché à renforcer leurs compétences, mais sans succès, faute de pouvoir remplir les exigences des artisans professionnels évalués à plus de 100 000 francs burundais. Face à cette situation, l'État et les organisations non étatiques engagées dans l'enseignement des métiers devraient prévoir un stage d'insertion professionnelle et octroyer le matériel de départ aux lauréats selon les filières, ont-ils indiqué. Léopold Ndéokoubga, conseiller chargé de la formation professionnelle au département ayant l'enseignement des métiers dans ses attributions, reconnaît que certains formateurs dans ces centres d'enseignement des métiers sont peu compétents. À cet effet, il fait savoir qu'un stage d'insertion professionnelle est désormais prévu aux lauréats des centres d'enseignement des métiers et qu'ils bénéficieront même des prêts remboursables pour l'achat du matériel de départ. Vous saurez qu'il a annoncé cela ce vendredi à Ruyigui lors de la clôture d'un atelier de validation des plan d'activité organisé par les ONG locales Agakula et Adisco qui appuie les centres d'enseignement des métiers dans les communes Kinyinya, Gisuru et Tchendajuru. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigui, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. En actualité sur régional en RDC, jeudi et vendredi, le 9 et 10 février, des affrontements ont fait au moins une soixantaine de victimes dans la ville de Chimbulu, dans le Kasaï oriental. Des violences provoquées suite à l'incursion de miliciens se revendiquant du chef traditionnel Kamuina Nsapu. Ces miliciens cherchaient à venger leur chef traditionnel, tué en août dernier par les forces de l'ordre. Au lendemain de ces violences, un calme précaire règne dans la ville de Chimbulu. Les bilans sont assez fluctuants. Selon la société civile, au moins 60 personnes ont été tuées. Pour l'heure, les autorités n'ont pas fait de bilan de cette situation. Il faut dire que depuis quelques mois, l'administration locale ne fonctionne plus. Le maire, l'administrateur du territoire et même les responsables du tribunal ont quitté Chimbulu car ils sont eux-mêmes menacés par les miliciens. De son côté, la MONUSCO condamne les actions des miliciens qui recrutent et utilisent des enfants soldats pour commettre ces actes de violence contre l'État, indique un communiqué. La MONUSCO exprime aussi sa préoccupation concernant l'usage disproportionné de la force par les militaires. Et sur cette lancée, la MONUSCO demande aux forces de sécurité d'employer des moyens de réponse acceptables et répondant aux normes du droit international pour faire face à cette situation. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde de micro Jean Bosco Ndouimana. Tout de suite, vous suivez la revue de presse. Vue de de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le G7 et G8 de retour, s'interroge le journal Iwachu dans son éditorial. L'histoire serait-elle un éternel recommencement? On se croirait en effet. Écrit Iwachu, comme au temps des G7 grandes tendances majoritairement Hutu et G10 à majorité Tutsi. Aujourd'hui comme dans ces temps-là, les guerres intestines minent les partis. Notre confrère parle notamment du torchon brûlant au sein du parti Uprona de l'opposition à propos de la médiation du président Mkapa. Qu'adviendra-t-il demain si le parti Sawanya le début patron du G7 avançait les mêmes arguments pour la majorité Hutu. Nyerere et Mandela doivent se retourner dans leur tombe, soutient Iwachu. Le scénario vole-t-il en éclat? S'interroge encore une fois l'hebdomadaire. Depuis quelque temps, l'on assiste à un feuilleton. De services rencontrés dans les enceintes des offices du ministère chargé des fonctionnaires et des agents publics de l'État révèlent qu'en dépit de l'informatisation de certains services de la fonction publique, les problèmes sont restés presque entiers. Selon toujours la voix de l'enseignant, un des fonctionnaires avoue que l'amélioration de la qualité des services dans le traitement des dossiers est discutable. Il venait s'informer sur le destin de sa décision de régularisation non encore exécutée depuis 2 mois après la signature à la direction générale. La surprise est qu'il s'est entendu dire que l'exécution de cette décision le rétrograderait et le contraindrait à un remboursement du trop perçu sur son salaire. Revue de la presse. Quand les médias privés sont interdits de couvrir les cérémonies officielles, écrit l'agence Alignet Press. Lors des cérémonies de commémoration de la fête de l'unité nationale, certains médias privés ont été interdits de faire une couverture médiatique de ces cérémonies. Les policiers leur ont intimé l'ordre de chercher l'accréditation, écrit l'agence en ligne, pour pouvoir fréquenter la place de l'unité nationale et que seuls les médias publics sont autorisés de faire ce reportage. Une large opinion, écrit l'agence, se demande comment ces médias ayant été enregistrés. Les officiels du Conseil national de la communication, leur permettant de couvrir les informations sur toute l'étendue de la République, puissent se voir refuser de travailler par des policiers. Sur le site des blogueurs Yaga, le blogueur Rivardo Niyonizigiye s'inquiète de ce qu'il appelle dérive de l'Association des musiciens du Burundi, qui pourra, dès le mois de mars, censurer les chansons à diffuser sur le territoire national. Une attribution à l'opposé de ses objectifs, selon le blogueur. Le mois de mars est la date limite fixée par le Conseil national de la communication qui a donné le pouvoir d'aval sur les chansons à l'Association amicale des musiciens du Burundi. La commune de Muramvya retire le marché de Bugarama des mains de la Cogemabu, écrit l'agence burundaise de presse. Selon l'administrateur de la commune de Muramvya, ce retrait a été fait dans l'objectif de mettre en application l'ordonnance du ministre de l'Intérieur qui demande aux communes de reprendre les marchés possédés par les particuliers ayant terminé leur contrat. Ainsi, une somme variant entre 600 500 000 et 900 000 francs bourg pourra rentrer dans les caisses de la commune chaque semaine, se réjouissent les percepteurs d'impôts à Muramvya. De l'autre côté, cette mesure a été mal accueillie par les actionnaires de la Cogemabou car ils n'ont pas été avisés. Il aurait fallu, dit le président de cette organisation, lui demander de revoir à la hausse le loyer ou de lui accorder un temps suffisant pour se préparer à la remise de ce marché. Dans son classement de la semaine, le journal Iwachu met en hausse la Croix-Rouge Burundi pour avoir installé deux stations d'épuration d'eau sur le lac Dogodogo, facilitant ainsi son accès à plus de 10 000 personnes de la commune Erugombo et ce pour prévenir le choléra. En baisse se trouve Corneille Munyangindi, enseignant à l'école La Bergeronnette de Gitega, pour avoir violé 4 enfants de la 4e et 5e année primaire de cet établissement, un crime qu'il a lui-même avoué. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Didier Nyonzima et Mireille Kanyange. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.